deep one for the end zone. Thielen is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! Touchdown! He did it! He did it! But here's a shot! Henderson made a wild stab toward Spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going to the end zone. The Bears have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières, bienvenue à l'Inconduite de partie, l'émission qui vous parle de sport régional et international chaque semaine de 9 à 11, 2 heures remplies de tout ce que vous pouvez désirer, sauf le Canadien de Montréal, on n'en parle pas, on en parle en masse ailleurs. À mes côtés, M. Pierre-Luc Giroux, ça va bien Pierre-Luc? Ça va très bien toi. En plein carnaval? En gros plein carnaval. Toi, moi, en communication sociale, mettons qu'on se donne bien comme faut. Ben oui, il faut. Il faut, et disons là, c'est beau avoir autant d'unités sur le campus. Écoute, il y a du monde habillé en vert. Les chandails représentatifs du carnaval, si on peut dire, sont verts cette année au lieu de rouge l'an passé et... Je pense qu'on sort chaque année. Jaune, je pense, l'année d'avant, il me semble. Peut-être. Donc, non, beaucoup de monde. Hier, c'était les Planet Smashers qui étaient ici même au 10-12, à la salle 10-12. Spectacle d'ouverture. Et tout un spectacle, les planètes qui se sont données autant qu'ils se donnent à tous les fois, du bon ska comme on n'est plus habitué d'en entendre. Hein, c'est moins populaire, le ska, maintenant. Donc, on va en jouer un peu de Planet sur mon émission. Je fais un spécial. Spécial Planet Smashers. Spécial. Puis, ce matin, une petite neige, justement, pour le bain de neige qui aura lieu à 10h. Écoute, quoi de mieux? Il y a quoi aujourd'hui? Il y a le bain de neige. Moi, je joue au hockey contre des Patriotes à 15h. Moi, je fais la guerre des clans à 11h. La guerre des clans, ouf. Donc, communication sociale, ça devrait bien aller aujourd'hui. Ouais, mais t'as encore une couple de bacs qui se débarquent. Psycho-Ed, on les entend-tu de loin, Psycho-Ed? Ces langues modernes n'ont pas encore participé à aucune activité jusqu'à maintenant. Ça fait pitié, mais écoute, on a probablement beaucoup d'études à faire cette semaine. Ah ouais, écoute, ben, tu sais, il faut qu'ils vivent dans le passé aussi, langue moderne. C'est pour ça qu'ils veulent apprendre à être modernes au niveau de leur langue. Ils ont une langue en retard. Hey, cette semaine, l'émission, on vous parle hockey junior. Écoute, je pense qu'on le veut un peu partout, ce qui s'est passé ce dimanche soir dernier entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Remparts de Québec. On l'a vu et on l'a revu. Parce que c'est des images qui sont présentées partout à travers l'Amérique du Nord. Je pense que c'est vraiment un gros... Ça fait mal, je vous dirais, puis ça fait mal pour le hockey junior majeur, encore une fois. Exactement, donc le geste, écoute, salaud, non, je pense pas qu'il y a d'autres mots, salaud de ce cas-ci, de Patrice Cormier sur Michael Tam, l'excellent Michael Tam, défenseur des Remparts, donc un coup de coude au visage. On va en reparler, même je pense que ça va être... Patrice Cormier qui est le capitaine d'équipe Canada Mondial Junior cette année, donc c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, là, en plus. C'est un excellent joueur, un repêché par les Devils du New Jersey. Donc, la suspension, là, on va en reparler plus tard beaucoup, mais la suspension est un peu difficile à déterminer combien de matchs là, ce sera. Oui, ça va être intéressant à suivre. Donc, on va en reparler, même ça va être probablement le sujet de notre discussion vers 9h40 environ avec JP Grenier. JP, oui, il va joindre nous, le représentant de Sherbrooke. Qui va venir nous parler. JP va nous parler à l'Olympique, va devenir notre correspondant olympique dorénavant. Va nous parler de tout ce qui est sport en vue des Olympiques de Vancouver. Ça va être passionnant, ça. Ça, ouais. Ça va être fun à suivre. Là. C'est notre land, là. In our house, comme dirait. Ça s'en vient, là, à grands pas. Ça s'en vient dans quoi? Un mois, à peu près? Moins qu'un mois. Même moins qu'un mois. Je pense que c'est 14-15 février, le début. Je sais pas. Pourquoi tu me demandes ça? Ça fait 2 semaines des Olympiques. Donc, mais allons-y tout de suite avec les Patriotes. On a quand même... c'était une petite semaine au niveau des Patriotes cette semaine. On avait, en effet, cette semaine... on avait un seul match, McGill-UQTR. La rivalité, probablement une des rivalités les plus tough. Ou du moins dans OUA, c'est une des rivalités les plus tough. McGill, les Patriots, ça haït. Fait trois années de suite que les Redmans sortent les Pats. C'est pas nouveau et ça a continué. C'est une victoire de 2-1 pour les représentants de l'ouest de l'île de Montréal, des anglophones. Quoi qu'il y a plein de Québécois dans l'équipe, là, on se ment plus. Là, c'est loin d'être franco contre anglo là, dans ce cas-ci. C'est une victoire de comme j'ai dit, de 2-1, les tirs 41-36 dans la partie. Les buts chez McGill, c'est Alexandre Picard-Hopper qui ouvre la marque à 15-10 de la première période. Des aides à Francis Véropol et Wright. Breton en troisième période, donc partie très défensive, avouons-le, à 2-1. J.S. Breton qui fait son 11e de la partie. Breton qui continue à surprendre. Une aide au nouveau, Félix Petit et à Bellevance Martin, 9-35. Et McGill à 11 minutes 33, donc 2 minutes plus tard, c'est Dano. Dano de son prénom, j'ai un blanc là, Marc-André Dano qui vient faire son 10e du match, assisté de Lompré, Poirier et Langelier Parent, donc des noms composés chez McGill, puis Cooper, ça prend beaucoup de place ça sur un chandail. Lompré, Poirier, Langelier Parent, écoute, je pense qu'il y a des deux pour un, c'est baptistère à l'église dans le temps. Donc, c'est une victoire pour à l'affiche du gardien Hubert Morin. C'était même pas Danny Miro en plus d'un but. Ça a bardé pour la je mue en onde. OK, je vais être bien franc, j'ai brossé hier. OK, je l'avoue tout de suite, là, soyez indulgents, j'ai brossé hier pour Planète Smashers. Je l'avoue, c'est fait, c'est dit. Ma voix va être dégueulasse ce matin. On l'assume et on s'amuse. Je vais essayer de te reprendre. Reprends-moi pas trop, j'ai dit ça, me faire prendre. Donc, Alexandre Demers, écoute, ça a bardé dans la partie. Trois inconduites de partie pour les Patriotes dans cette partie. Bon, ben, c'est le joueur étoile Alexandre Demers qui se fait mettre dehors de la game à 9 secondes du début de la partie. Il était très tôt mis en échec par en arrière. Ça se continue, comme je disais, Chiquan, donc deux inconduites de partie dans la même période. Nicolas Chiquan, encore mis en échec par en arrière à 16-12. Et finalement, la troisième et dernière, c'est une inconduite de partie au banc de l'UQTR à 20 minutes, donc à la fin de la partie, la troisième période à 20 minutes. Dans le fond, c'est Jacques Laporte qui en a pété une, donc c'est pas plus compliqué que ça. Abus verbal envers les officiers. Il était pas content, Jacques, donc... Ça se comprend. C'était la seule partie des Patriotes dans cette fin de semaine-là. On voit de toutes les pénalités, parce qu'il y a eu gros des pénalités, des 7 avantages numériques des deux côtés, personne n'en a profité. Donc, on est resté vierge sur l'affiche des Power Play ici au McConnell Arena de McGill. C'était la seule partie des Patriotes pour cette fin de semaine. Par contre, demain soir, McGill est en ville. McGill et Redmond sont en ville au Colisée de Trois-Rivières et non pas au Colisée Mongrain. Non, on quitte la shed, on s'en va dans grosse house, dans grosse maison. On lâche le chalet, on s'en va dans le bungalow. En espérant qu'on ait plus de monde. Ça, il devait y avoir du monde normalement. Les gens qui écoutent là, présentement en ondes et qui ne sont pas des étudiants ou des personnes qui suivent un peu l'université, il va y avoir du monde parce que dans le cadre du carnaval, je pense que tu as des points. Là, pour, oui, tu as des points. Il faut que tu amènes une mascotte de ton association. T'es-tu sérieux? Oui, puis si tu as une mascotte, alors ça donne des points. Puis je pense que le plus de participation qu'on a aussi au match, là, ça peut donner quelques points. Je connais pas exactement les règlements là, du carnaval, là, mais oui, dans le cadre du carnaval, là, on va devoir aller voir les Patriotes, les encourager pas et on... même avoir une mascotte. On veut aller voir les Patriotes. Ouais, on veut et on doit si on veut des points. Exactement. Donc, ça va être très intéressant. Il devrait avoir pas mal plus d'action. On va avoir... Écoutez, les gars, c'est le batteur. La chose suivante à vous dire, il va y avoir des filles. Les filles, oui, au match des Patriotes, des filles. Ça va être très intéressant, des filles de tout plein de bac, là. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match comme au début de l'année, lorsqu'on avait eu le... C'était contre Concordia la première fois. Concordia. Ah, tu parles de l'ambiance ou de la game? L'ambiance, du monde qu'il va y avoir dans la place. Ben, de l'ambiance, ça va dépendre, parce que le Colisée de Trois-Rivières, c'est pas mal plus grand, là. Hein? Ouais, c'est 2000, 2007, 3000 places, à peu près. Plus difficile un peu pacté à la place, mettre de l'ambiance. Moi, je vais m'en occuper parce que Nicolas Ducharme, votre humble représentant, va être animateur de foule dans tes périodes pour ici. C'est fou, les Patriotes. Donc, si vous attrapez un chandail, c'est moi qui vous le lancez. Chance! Ah ouais, écoute, puis je vais crier « qui veut du champagne? » Non, je me trompe de rôle. Bon! N'importe quoi. Donc, en plus, ça va être une partie spéciale, non seulement au niveau que parce que c'est le carnaval, mais ça va être la partie anniversaire qui fête les 40 ans d'existence des Patriotes. Oh! OK, officiellement. C'est gros. Ça va faire 40 ans, cette date-là, que les programmes des Patriotes, ça commence avec le hockey, existe ici à l'UQTR. Il va y avoir le recteur, ils vont parler de plein de choses, il va y avoir des prix, il va y avoir... il va y avoir une couple d'activités par rapport à ça, mise en jeu, protocolaire, chez discours... discours directeur. Ça serait intéressant de regarder si, à la première année des Patriotes, quels étaient ses joueurs. Si on connaît quelques joueurs qui faisaient partie de l'équipe, ça pourrait être intéressant de regarder ça, ça fait 40 ans, à quoi ressemblait l'alignement des Patriotes. Ben, moi, personnellement, je pense que ça va juste être comme nommer des noms dans la qu'on connaît pas, ouais. Qu'on connaît pas exactement, là, parce que. Effet, il y a des joueurs là, mais qu'on connaissait. Mais il y a quelques noms bien importants qui ont passé ici, surtout au niveau coaching. Danny Dubé, Clément Jaudoin. Danny Dubé, ouais. Clément Jaudoin qui est arrivé, je pense, en 82, si je ne me trompe pas. Qui est maintenant probablement un des meilleurs entraîneurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ouais, qui ça? Clément Jaudoin, oui, en effet. Danny Dubé, excellent analyste au match du Canadien de Montréal. On parlait même de lui comme un remplaçant à Bob Guéné, comme futur directeur général des Canadiens de Montréal. Il était sur la liste. Là, t'as pogné ça ou toi? J'ai pogné ça à la télévision radio. Danny Dubé était dans les noms pour remplacer Bob Guéné cet été. Pas de vrai, je savais pas ça. Ouais, okay. Ouais. Ça m'a surpris moi aussi de voir ça. Moi tout ça me surprend. Un gars, un analyste de radio et non un directeur général, mais il a déjà été entraîneur, comme tu l'as dit. Ouais, entraîneur, je pourrais comprendre la limite, mais directeur général, c'est plus là. Quoi que t'as Pierre Maguire aussi à TSN qui est tout le temps... qu'on voit peut-être comme futur remplaçant éventuellement. Bon, ça s'est nommé à Montréal, mais ailleurs. C'est à Toronto, ben. Non, mais non. Pierre Maguire, c'est un gars de Montréal. Okay. Sa femme est francophone, puis okay. Il parle français. Travaille à TSN. Peter Maguire parle français, là, donc... Pierre, ça te dit. Pierre, c'est Cléo. Donc, wesh. Allons-y avec le classement. Donc, honnêtement, ça va être un match à vraiment être présent. On va voir ce que ça va donner, mais oui, vraiment, là, au niveau de l'ambiance, ça va être un des matchs les plus hot des Patriotes année. Classement OUA dans l'Ouest, c'est Western, toujours premier, les Mustangs. 17 victoires, 3 défaites. Hey, c'est une bonne fiche, ça. Ils sont sur une lancée de 9-1 en plus, les Mustangs. Donc, 34 points, ils sont suivis par Laurier avec 14 matchs, 30 points aussi. 14 victoires, 30 points. Et Lakehead en troisième position avec 28 points. Dans l'Est, c'est ici que ça nous concerne beaucoup plus. McGill a pris les devants. McGill, on avait parlé la semaine dernière qu'il devait reprendre un match. C'était reprendre le match en main qu'ils avaient sur les Patriotes. Ça s'est fait. Ils en ont même pris un autre, là. Donc, ils ont un match d'avance, là, présentement, McGill, au niveau du classement, avec 19 matchs, 16 victoires, 3 défaites, 32 points. C'est les Pats sont deuxièmes avec 29 points, 14 victoires, 3 défaites, un match nul, une défaite en prolongation plutôt, en 18 matchs. Les Ravens de Carlton, parce que parlons-en, McGill a battu les Patriots vendredi soir, affronte les Ravens de Carlton. Carlton, bonne équipe, une équipe qui peut surprendre des travaillants, un peu bitch. Qui avait battu, je pense, les Patriots au début de la saison, dans les premiers matchs. Ça se peut. Tu me colles une bonne chose, une bonne pause. Donc, Carlton et Ravens sont venus battre McGill samedi. Une surprise, 3-1 la défaite. Les Ravens, comme j'ai dit, sont troisième, 26 points en 20 matchs. 12 victoires, 6 défaites, une défaite en prolongation, une défaite en tir de fusillade. Donc... parlons-en aussi, on va aller voir, c'est ce qui conclut pour les Patriots hockey. On va aller voir au soccer, la saison de soccer intérieur a commencé, c'était les débuts, on affrontait Sherbrooke, ici même les Patriots, les hommes, les femmes étaient en action dimanche dernier au centre Alphonse Desjardins. Deux défaites par contre, on sait souvent les Patriots sont meilleurs au soccer intérieur qu'extérieur, par contre ça s'est pas concrétisé cette fois-ci. C'est bon, on a le temps de laisser la chance aux coureurs. Ben oui, il y a le temps de courir le gars. C'est du soccer, il court tout le temps, il n'arrête pas, il joue 90 minutes, pas de change-up, là, rien. Je veux dire, même à la lutte, ils ont des changements. Ouais. Mais, je sais pas, alors allons-y, work. On a eu un tag, l'arbitre l'a pas vu, il était de dos. Je vais prendre mon point américain. Donc, c'est Maude Bellerive, la joueuse des Patriotes, qui est venue faire son premier but de la saison, bien évidemment, mais aussi le seul but des Patriotes dans la partie. Sherbrooke l'emporte 2-1 chez les filles. La défaite va à l'affiche de Stéphanie Rousseau, qui a toutefois été excellente dans les buts. Avouons-le. Chez les hommes, ils affrontaient aussi l'Université de Sherbrooke, le Vert et Or. Ça s'est terminé 2-0, donc un pointage officiel de soccer, 2-0. Hey, ça joue au Centre Alphonse Desjardins 100%, pour ceux qui ne savent pas, les matchs au Centre Alphonse Desjardins, qui est vraiment une place neuf. Ça sent neuf. C'est beau. T'as encore l'odeur de char neuf dedans. Mmh. Tout est neuf, tout est beau. C'est un centre magnifique. Avouons-le, là. Je dis pas notre ancien collègue, la chance d'avoir un stage. Oui, Sébastien Brou travaille là, mais hey, je dis pas ça pour avoir un abonnement gratuit, là, même pas. mais honnêtement, des centres de même, emmenez-en, c'est ça qui prend, ça va mettre les gens en forme, t'as des gyms, t'as tout là, c'est wow. Donc, pas de but pour les Patriotes dans ce match. La défaite, écoute, je ne sais pas à qui, parce que les deux gardiens ont travaillé, Philippe Gendron et Roch Goyette. Roch Goyette, qui est normalement le gardien partant des Patriotes, les deux ont alloué un but. Donc, c'est ce qui conclut au niveau du soccer. Bien sûr, les Patriotes, bon, sont derniers au classement, veulent pas. Ils ont une défaite, puis les autres ont une victoire. Donc, c'est quand même assez simple à répertorier. Mm. Rien de compliqué. Donc, c'est pas mal là, ce qui conclut. Allons-y, joueur de la semaine, Patriote de la semaine. C'est Stéphanie Rousseau, la gardienne de but. Je disais qu'elle avait été excellente. Ouais. Elle a été excellente. Elle était même spectaculaire contre le Vert et Or. Elle a fait... écoute, c'était jusqu'à la 60e minute, c'était 0-0 dans le match. En deuxième, il restait... Dans les 30 dernières minutes de match, alors sous 29 tirs, elle en a accordé 2. C'est excellent. Hey, c'est une moyenne de gardien de but, ça. Ouais. Les buts au soccer, tu le sais, ils sont larges comme... C'est vrai que c'est pas large. C'est pas comme garder les buts au hockey. Ben non, c'est deux portes de gange au soccer. Non, puis vraiment, félicitations à elle, Stéphanie Rousseau, bonne gardienne. Je pense que c'est sa première année. Je veux pas me mêler. Il me semble que c'est sa première année. Il me semble que je me souviens pas avoir entendu son nom l'an passé. Peut-être que je l'ai dit, puis je m'en souviens plus. Ce serait très possible. On en dit pas mal des noms. J'en dis à des niaiseries, puis à ouais, lui que... Ouais, ouais. Pourrais-tu plus me juger, s'il te plaît? Non, tu peux pas. Donc c'est ça. Et félicitations à elle, c'est la clé de la semaine. On s'en va en musique. On s'en va écouter... Le Nombre avec la chanson D.B. Cooper. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Je l'ai aussi dans la peau. Et un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Le nom de B.B. Cooper, vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Giroux à mes côtés, Nicolas Duchamp derrière le micro ici pour être votre hôte. 9h26. Pierre-Luc, hockey junior, on y va avec Shawinigan. Eh oui, les Cataracs, il est en action. Fallait-tu dire les Canadiens? Les Canaracs. Les Canaracs. Ouais, les Canaracs. C'est quand tu essaies de dire deux mots en même temps, des fois ça sort. Je pensais que c'était une mauvaise maladie aux yeux, les Canaracs. Voilà, une nouvelle maladie aux yeux. Donc, on parle de nos Cataracs de Shawinigan. Start-moi ça. En fin de semaine, qui avait trois matchs la semaine dernière. Comment tu vas t'entrevoir un peu la fin de saison des Cataracs? Ça devrait être pénible ou ça devrait être surprenant. Hein? Oui, surprenant. Je te dirais que les Cataractes me surprennent. Ça va bien de leur côté, même si on est allé échanger beaucoup nos bons éléments pendant la période des fêtes. Encore là, ça va très bien. Puis je pense que même les Cataractes, t'en avais glissé un mot la semaine passée. Je glisse. T'avais dit probablement les Cataractes allaient pouvoir créer une surprise en série éliminatoire. Et bien de plus en plus avoir les Voltigeurs qui, on dirait, régressent et les Cataractes qui battent des équipes comme les Remparts de Québec. Oui, les Cataractes pourraient être surprenants en première ronde des séries. Probablement que Cataractes vont affronter les Voltigeurs, donc ça pourrait être une surprise de voir les Cataractes battre les Voltigeurs, puisqu'on sait que l'an dernier, les Voltigeurs les avaient battus en 7 matchs à la finale de la Coupe du Président. Ah, ça donc, serait in your face, ça serait vraiment chien. Ah, on n'est pas encore rendu là, mais ça pourrait très bien arriver. Mmh, pour une fois, Nico, moi, honnêtement, je peux dire que t'as peut-être raison. Moi, j'ai tout le temps raison, sauf quand j'ai tort. Mais bon, vas-y donc là, avec les Cataractes. On va avec les matchs des Cataractes. Donc, tout d'abord, mercredi dernier, ils étaient au Colisée Pepsi à Québec pour y affronter les Remparts et Patrick Roy. Les Remparts qui saluaient le retour de Ryan Bourque pendant ce match, lui qui a remporté la médaille d'or au championnat mondial junior avec l'équipe américaine. USA. Hey, t'as-tu vu un peu, je sais pas si t'as vu les images, Haïti, tu sais, le tremblement de terre, bon, en tout cas, oui, on s'entend. Il y a plusieurs images à voir. Bon, t'as des secouristes américains qui sont là. Oui. Ils sont en train de sortir quelqu'un des combes, tu sais, la personne est vivante, elle sort ses civières. Puis t'as les Haïtiens à background, puis ils sont là, USA! USA! J'étais là, wow! Ça, c'est vraiment, là. Aïe, aïe. C'était impressionnant, mais tu sais, gars. Je comprends ton. Mais tu sais, c'est beau à voir, tu sais, autant un geste de. Ben, c'est beau. Écoute, c'était digne, on ne parle pas, c'était digne de la lutte, mais. Aujourd'hui, tout revient à la lutte. Écoute, hein, moi, mais la lutte, c'est la source de la vie. Ça, c'est écoute, cool. Jack, Jim the Oxa, Jim. Bret Hart. Ouais. On va dire parce que lui, je le connaissais pas. Tu connais pas Duggan? Tu connais pas Jim the Axa Duggan? C'est ça, Jim? Hey, il y a quelqu'un. Shootez-moi. Hey, les gens. Hey, si vous voulez, écrivez-moi. Écrivez-moi. Live à commercial, inconduit de partie. Faut que ça, on ça, veut c'est savoir ça. Qui est Duggan. Jim. Ça, c'est Jim the Axa Duggan? Je connais pas, malheureusement. Puis j'ai quand même suivi la lutte pendant une partie de mon enfance. Oui, il y avait un gros bâton de bois. Puis il criait « Hey-oh! » Puis il criait « USA! » T'es plus vieux que moi, toi, je pense. Oui, j'ai 25 ans. T'as 25 ans. Des fois, ça peut être dans les 3 ans que t'as plus que moi. Moi, j'en ai plus de fêtes qui m'en restent. Hein, fait que... Ah, je te le souhaite pas, mon cher. Moi, de la façon que je vis, j'ai l'espérance de vie d'un gars en 1648. Donc, si tu le dis. Donc, vas-y avec Ryan Bourque puis USA. Ouais, Ryan Bourque et les Remparts donc, qui recevaient la visite des Cataractes. Si on va finir par en parler parce qu'on dévie toujours vers d'autres choses. Nicolas Ducharme en est probablement la cause. Les Remparts qui, tout d'abord, donc plutôt les Cataractes qui avaient pris les devants 1-0 en première période, les Remparts ont répliqué et ensuite, c'est personnellement Dave Labrec qui s'est occupé des Remparts de Québec. Il a inscrit deux buts en avantage numérique et il a donné la victoire 4-1 aux Cataractes de Shawinigan. C'est une deuxième victoire face aux Remparts en deux matchs. Ils les avaient battus justement au Centre Bienness la semaine dernière. Donc, ça fait mal pour les Remparts. Deux défaites de suite contre une équipe qui n'est pas dans les hauts classements. Ça fait beaucoup mal pour les Remparts. Et donc, Dave Labrecque a vraiment été la vedette du match. 2 buts dans le match. Labrecque qui joue de l'excellent hockey. Je pense qu'il se reprend beaucoup pour les déboires qu'il y a eu un peu là en début de saison. Je pense qu'il a pris vraiment leadership dans la chambre depuis les changements là, au fait. Puis ça va très bien de son côté. Sans m'avoir réalisé qu'il y aurait des responsabilités, il faudrait qu'il les prenne parce que sinon, il finira jamais sur le gros line-up des Flyers de Philadelphie. Non, non, ça c'est sûr. Quand t'es repêché, il faut t'en donner plus. Ça, c'est certain. Olivier Ouellet aussi, ça a très bien été pour lui. 1 but, 1 passe dans la victoire. Et Michael Tam, qui a été la 3e étoile du match, lui qui a été, justement, on en reparlait plus tôt, ouais. A été blessé par le geste de Patrice Cormier dimanche à Rouyn-Noranda. Donc, Michael Tam, là, qui est maintenant sorti de l'hôpital, par exemple, ça va mieux de son côté. Il est sorti ou il a obtenu son congé aujourd'hui? Il a obtenu son congé hier soir. OK, OK. Content. Ouais, c'est au moins, là, il a pas eu trop de... On va en reparler plus tantôt, oui, Michael Tam, Patrice Cormier. Donc, je pense que les Cataractes, ça a très bien été dans les unités spéciales. 4 buts en 7 occasions. Donc, c'est excellent pour les Cataractes. Leurs 4 buts ont été comptés là, en avantage numérique. Donc, par chance. Et les Remparts aussi, leurs buts ont été marqués en avantage numérique. Donc, les 5 buts de la partie, c'est les unités spéciales qui s'en ont personnellement occupées. Mais quand tu veux gagner un match, oui, les unités spéciales sont importantes, mais à 5 contre 5, tu te dois de marquer des buts. Et c'est ce que les Remparts n'ont pu faire. Et qui était devant les buts pour les Cataractes? Gabriel Girard, lui qui a été blessé justement là durant la 2e période, a été remplacé par Marc-Antoine Gélinas. Gabriel Girard, justement, là, qui je n'ai pas eu vraiment d'informations sur sa blessure, mais il est quand même revenu là pendant la fin de semaine. Et on remarque du côté des Remparts, le gardien de but était Louis Domingue, qui avait été obtenu là, des Wildcats de Moncton dernièrement. Lui qui est probablement un des meilleurs espoirs au prochain repêchage de la Ligue nationale. Sans dire meilleur, mais probablement un des bons. Espoirs là, de. Je vais te sortir son classement selon les. Ben vas-y, pendant que je continue de vous dire qui était présent au match, on avait quand même je vous dirais des vedettes qui étaient présentes au match. Donc tout d'abord, on avait Raymond Bourque qui était probablement venu voir jouer son fils. Et aussi, on avait pu remarquer là, la présence de Brian Burke, qui est directeur général des Maple Leafs de Toronto, qui était dans les estrades au Colisée Pepsi. Lui, probablement, qui est venu voir Mikhail Stefanovic des Remparts, qui appartient aux Maple Leafs, qui, lui, ne connaît pas une très, très bonne saison. Il est venu voir Philippe Paradis aussi. Et Philippe Paradis, j'allais le dire, lui aussi, qui appartient aux Maple Leafs. Depuis l'échange, lui, qui, pour ceux qui ne savaient pas, Paradis avait été repêché par Caroline, échangé contre Jiří Tuutti. Tutti Frutti. Mais donc échangé il y a quelques mois, 2 mois à peu près. Donc c'était parce que à Caroline de toute façon, c'est une nouvelle formation là, pour Philippe Paradis. Ouais, mais en tout cas, on peut pas dire qu'à date, il a bien remercié Maple Leaf pour avoir été chercher ses services. Je pense pas que Paradis ait une très bonne année. Là. Non, c'est certain, mais là. Écoute, c'est quand même un des piliers là, des Cataractes. Ouais, mais je mettrai pas tout mon poids sur ce bord-là à date. Non. C'est-à-dire, je suis méchant, là. Je suis méchant, je l'avoue, mais je peux pas dire que les performances de Philippe Paradis sont impressionnantes cette année. Non, non, ça c'est certain. Puis certainement aussi que M. Burke est venu analyser pour des futurs espoirs pour le prochain repêchage, puisque Michael Bournival et Louis Domingue sont deux des très, très bons espoirs. Justement, tu vas pouvoir me sortir le classement de chacun. Donc, écoute, je peux juste te dire qu'il est pas top 30, Domingue. Pas top 30. Deuxième ronde. Je viens de parler à notre recherchiste, là. Il est pas top 30. Non, pas top 30. Ouais, mais. Gars, yeah, continue. 31, 32. Tu joues la cachette. On va continuer, les Cataractes, maintenant, qui se transportaient au Colisée Desjardins ce vendredi pour y affronter les Tigres de Victoriaville. C'est un gros défi pour eux autres. Tout d'abord, les Remparts mercredi. Maintenant, Victoriaville vendredi. C'est un très, très gros défi pour les Cataractes. Et non. ça n'a pas été un succès. Les Tigres l'ont emporté facilement par la MAC de 4-0. Joël Chouinard, Philippe Michael DeVos, Brendan Hines et Thomas Kubalik ont été les buteurs du côté des Tigres. Si ça avait bien été dans les unités spéciales pour les Cataractes lors du match contre les Remparts, ça a été tout le contraire. 0 but en 6 tentatives. Donc, ça n'a pas été excellent là pour les Cataractes dans ce match. Ça va être à travailler là beaucoup les unités spéciales pour les prochaines parties. 1 but en avantage numérique marqué par les Tigres. Les Tigres ont vraiment dominé dans le match, 41-26 dans les tirs. C'est Marc-Antoine Gélinas qui était devant les buts pour les Cataractes, lui qui méritait sa 7e défaite cette saison. Et non, Gabriel Girard n'était pas dans, du match, ne secondait pas Gélinas. Okay. Donc c'était Charles-Alexis Prémont. Un jeune de 16-17 ans, je me rappelle plus exactement, je pense que c'est 17, qui était le secondaire de Marc-Antoine Gélinas, et Kevin Poulin a remporté de son côté sa 24e victoire de la saison. Ça, on se transporte maintenant à Rimouski dimanche. Donc les Cataractes qui affrontaient l'Océanique, et ça a été un match très serré. Donc si on regarde, les Cataractes avaient pris les devants 1-0 en première période. L'Océanique ont répliqué, ont pris les devants par la marque de 2-1, mais ensuite de ça, en deuxième période, ça a été plus difficile pour les Cataractes, je vous dirais. Beaucoup moins de tirs par eux, et l'Océanique ont pris les devants 3-1. Et en troisième période, remontée des Cataractes, on marque un but, l'Océanique réplique, donc c'est 4-2 Rimouski, et les Cataractes ont réussi à venir compter un dernier but pour faire 4-3, mais ont été incapables là, de créer l'égalité en fin de match. Du côté des Cataractes, Olivier Ouellette, Michael Bournival et Nicolas Larocque-Marcoux sont les buteurs. Et du côté de l'Océanique, Alex Simon, de son côté, 2 buts, dont le troisième qui a été en quelque sorte le but... pas le but vainqueur, mais le but égalisateur. Okay. Égalisateur. Peter Straka et Ryan Cavanna sont les autres buteurs. Encore une fois, Rimouski, 3 buts en avantage numérique sur 5 occasions. Si on regarde du côté de Cataractes, on n'a fait aucun but en 5 occasions aussi. Donc, encore une fois, on voit que les unités spéciales sont importantes dans les matchs. Et les Cataractes l'ont bien fait face aux Remparts, mais ça a été plus difficile contre les Tigres et l'Océanique. Les gardiens de but, deux gardiens de 20 ans qui s'affrontent, c'est quand même assez rare voir ça. Donc deux gardiens de 20 ans, donc tout d'abord Marc-Antoine Gélinas pour les Cataractes et Mathieu Dopud. J'ai goût de dire Dupod. Dupod, c'est comme facile, mais bon. Dupud. Ouais, donc, deux gardiens de 20 ans qui s'affrontaient. C'est quoi l'anglais? C'est Dupod. Dupod. On va y aller comme ça. Dupod. L'iPod et Dupod. Hey, tu parles des gardiens de but, justement. Je viens, finalement, ma recherchiste vient de me dire... Colette, ouais. OK, Seb Proulx, il nous écoute, puis il nous shoot du stock par Amazon. Ouais, c'est bien, ça. Merci, Seb. Merci. Présentement, Domingue est classé 4e meilleur gardien en prévision du repêchage, pas prévu pour sortir dans la première ronde. En avant de lui, il y a Calvin Pickard, le frère de Chet Pickard. Qui était gardien de but pour le Team Canada l'an dernier. Jack Campbell, l'Américain, Mathieu Corbeil-Thériault en avant de lui. Ouais, Mathieu Corbeil-Thériault, qui était un excellent gardien. Ouais, vraiment jeune prometteur. Donc, c'est ça pour Louis Domingue. Cool. Et pour les Cataractes. Et pour les Cataractes aussi. Et pour les Cataractes aussi. Donc, on va aller à une pause. Il est présentement 9h38. Dans 3 minutes, en revenant de cette pause-là, je vous fais jouer du Planet Smasher. C'est eux qui étaient en action hier au carnaval. Ils nous ont donné tout un show. Donc, on va aller écouter ça. Vous écoutez les contenus de partie sur les ondes de C'est fou. À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité, les jeux de la communication, une vitrine pour les étudiants et pour l'UQTR. Art et spectacle, nouveauté de l'ONF à Trois-Rivières. Sport, création d'un comité institutionnel pour le sport interuniversitaire. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Le service d'aide à l'emploi du service aux étudiants de l'université est fier de vous présenter la journée carrière 2010 de l'UQTR. Le mercredi 27 janvier 2010 au CAPS, de 10h à 16h, venez rencontrer de nombreux représentants d'entreprises de domaines très variés, des organismes et organisations offrant des emplois aux étudiants finissants et diplômés de l'université. Des entreprises de la région, de la province et du pays seront sur place. L'événement est organisé pour les étudiants finissants et diplômés de l'université, mais il est également ouvert à la population. L'activité est tout à fait gratuite, sur place aussi, prix de participation pour les étudiants de l'université. C'est donc un rendez-vous avec Curriculum Vitae, sourire et dynamisme. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Bien fêter les Patriotes! Mercredi 20 janvier 19h au Colisée de Trois-Rivières, on fête les 40 ans de notre équipe de hockey à l'UQTR. Animation spéciale par Cifou, prix de présence, présence d'anciens membres du club de hockey Les Patriotes, gratuit pour les étudiants. Le 20 janvier au Colisée, ça va être la partie. Au Carnaval, on fête les Patriotes. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou des bandes émergentes. C'est fou de la musique. C'est fou de la musique. C'est fou 89. 89. The enemy is now in sight above the palace. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Mandal, vous écoutez un conduite de partie sur C'est fou. Seven o'clock news. Planet Smashers, Fabricated, excellent, Ben. Ceux qui connaissent pas ça, bon, sont un petit peu moins populaires qu'ils ont déjà été. Je me rappelle à une époque, je les voyais. Un groupe de quel endroit? Montréal. Montréal. Carrément, Montréal, rue. Avec un groupe de Montréal avec un nom anglais. Rue Rachel S. Oh, mais c'est des anglo. Mais le chanteur, il parle. J'ai parlé hier, puis. Ah ouais. Oh, il est aussi franco que. Ben, pas, il est aussi franco. Il est anglophone, mais il parle super bien français. Bon, il y a un accent, le monde ne comprenait rien au 10-12, là, mais tu sais. T'as trop vieux aussi, on est pas. On sont chauds à cette heure-là aussi. Tu me vises-tu, toi, là? Non. Non, je sais. Je vise la population étudiante en pleine semaine du carnaval. Arrête, tu me vises. J'aime pas ça quand tu parles comme ça de moi. J'ai l'air d'avoir des problèmes d'alcool en ondes. Ouais, ben, ça arrive quelques mardis par semaine, par année. Je te dirais qu'on a quelques problèmes d'alcool. Ça sent encore la brosse d'hier dans le studio aujourd'hui. Quand même pas. Écoute, je préfère que ça sent ça que d'autres affaires. Là, tu sais, voyons ça de même. Oh non, s'il vous plaît, on veut pas de détails. Vas-y donc, le reste de ton joueur majeur. On continue là, avec maintenant les tics. Avant qu'on perde le peu de crédibilité qu'on a. Là. Ouais, c'est ça. Donc, les tics de Victoriaville, de leur côté, on l'a dit plus tôt, ont remporté leur première victoire le vendredi face aux Cataractes. Le samedi, on est encore une fois au Colisée des Jardins pour y recevoir les Olympiques de Gatineau. Ça a été un match très, très, très offensif. Les Tics de Victoriaville l'ont emporté facilement. Ben, facilement. Non, pas facilement, puisque les Tics menaient quand même 3-1 après une période. Et finalement, en troisième période, c'était rendu 4-4. Donc, ça n'a pas été si facile que ça. Mais quand même, 2 buts à la fin de la partie. Victoire des Tics 6-4. Joël Chouinard a 2 buts dans la victoire. Philippe Michael DeVos, lui aussi, 2 buts. Brandon Hines et Joël Champagne sont les autres buteurs. On a pu remarquer qu'ils ont fait 2 buts en avantage numérique sur 6 occasions. Les buteurs du côté des Olympiques de Gatineau, Jean-Gabriel Pageau, Vincent Barnard, Alex Noël, Mitchell Porowski. Je vous dirais que du côté des Olympiques, j'ai pu remarquer que l'équipe, je connais pas beaucoup l'équipe. J'ai l'impression que l'équipe a quand même beaucoup changé d'image et on a beaucoup rajeuni du côté des Olympiques. Il y a une couple de joueurs sont partis. Je vous dirais que je ne reconnais pas vraiment les Olympiques qu'on avait au début de la saison, qu'on prévoyait peut-être être dans les espoirs du côté de l'Ouest pour remporter. Finalement, les Olympiques ont changé beaucoup d'image et je ne crois pas là. En construction complètement. Puis les Olympiques, on le sait, hein, c'est toujours une équipe qui à chaque année nous apporte une équipe qui est capable de rivaliser avec les grosses équipes. Les Olympiques ont vraiment une réputation de trouble-fête en séries éliminatoires. Et non, cette année, je ne crois pas qu'ils peuvent jouer. Oui, mais depuis le départ de Benoît Groulx, je te dirais que... C'est pas pareil. J'ai entendu beaucoup de critiques de la part des gens de Hull envers présent entraîneur. Il manque son nom. Robert, quelque chose. En tout cas, il manque son nom, là, mais... Gaston Robert, c'est ça, non? C'est pas là... Je vais mettre ma recherchiste là-dessus, Colette. Mais, justement, donc, au niveau de ça, beaucoup moins, pas crédible, mais moins. C'est pas un player's coach. C'est un gars qui est tough, plus un style Scottie Bowman. Je te fais chier pendant 364 jours pendant l'année, mais 365e, on gagne la coupe. C'est cette attitude-là, tandis que Benoît Gou. C'est Jérôme Dupont, l'entraîneur. Jérôme Dupont, c'est ça, merci. Ça. Donc, justement, Jérôme Dupont. Ce qui va rester là longtemps, ça va dépendre, mais... Pourtant, c'est un très bon entraîneur, selon eux, là, lorsqu'ils l'ont engagé, là, c'était peut-être... Mais c'était l'assistant de Benoît Groulx, lui, je pense, si je me trompe pas. Je pense qu'il est allé chercher dans un... Je m'en rappelle plus trop, là, mais je vous dirais que non, c'était pas l'assistant, il me semble. En tout cas, mais... donc, c'est ça. Mais tu sais, on parle des Olympiques qui ont eu du succès. C'est pas seulement quand c'était Benoît Groulx qui était en arrière du banc, là. Il y avait Claude Julien que ça a c'est été. C'est ça, l'ancien, c'était Claude Julien. On s'entend que t'as une bonne suivi, t'as un bon suivi côté entraîneur de qualité, là. Ouais, t'as bien raison là-dessus. Donc c'est ça, fiche comme entraîneur. Il était pas entraîneur adjoint là avant ça du côté de Gatineau. Victoire des Tigres 6-4 devant 2344 spectateurs réunis au Colisée des Jardins. Toujours des foules pas mal tout le temps comparables du côté de Victoriaville. On ne fait jamais de foule de l'aréna pleine, comme on dit, mais c'était pas loin d'être plein, ça. Ben 2300 non, ça arrange. Ah, 2300, c'est ce que j'avais 2300. Entendu. Okay, ouais. Donc, non, c'était... en effet, c'est pas plein. Non. C'est sûr que c'est un samedi soir, là. Faut quand même pas capoter. Les gardiens de but du côté des Tigres, c'était Antonio Mastropietro qui remplaçait Kevin Poulin pour le match. Et même du côté de Gatineau, ce n'était pas Maxime Clermont qui était devant les buts. C'est son adjoint Derek Tête. Ça ressemble tight ou tête, c'est des belles définitions, ouais, ça, ouais, c'est ouais. Magnifique. Donc, lui qui avait sa cinquième défaite de la saison, lui qui a une fiche de 4 victoires, 5 défaites, c'est sûr qu'être en arrière de Maxime Clermont, là, c'est Maxime Clermont qui est un des excellents gardiens de but là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Écoute, je viens de vérifier le casier des Jardins. Oui. C'est une capacité assise de 2318 sièges. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de places. 2657 avec les places debout. Donc, c'est pas grand. Non. Mais bon, événement spécial, il y a déjà eu... Écoute, vendredi soir, j'ai de la misère à croire qu'est-ce que tu me dis, puisque vendredi soir, lorsqu'ils affrontaient les Cataractes, ils étaient devant 2997 personnes. Oui, mais c'est sur Wikipédia. Ouais. Ouais, non, mais Wikipédia. Non, Wikipédia ne ment jamais. Là. En plus, il me dit qu'il y a déjà eu... il y a déjà eu un spectacle de Metallica, de Sonic Youth, Brian Adams et Marie-Hélène Tiber. Là. Aïe. Metallica, t'as Metallica, pis t'as une coche en haut, Marie-Hélène Tiber. Ouais, tu viens de résumer carrément là, ouais. Le monde de la musique. Parce que moi, quand je veux. C'est pas pour rien qu'on anime le sport, hein, nous, ouais. Le monde de la musique. Moi, quand je veux me booster avant un match, j'écoute du Marie-Hélène Tiber. Ah ouais. Je comprends ça. Merci Wikipédia. Donc, on se transporte maintenant. Les Tigres étaient du côté de Montréal. Dimanche, pour affronter le Junior de Montréal. Victoire facile des Tigres par la marque de 5-1. Je voudrais que les joueurs ont pas mal tous contribué parce que c'est 5 marqueurs différents. Guillaume Goulet, Frédéric Tanguay, Joël Chouinard, Brandon Hines et Joël Champagne ont été les buteurs du côté des Tigres. Du côté des juniors, c'est Eliezer Sherbatov qui a été le buteur. Écoute, Nicolas, ce jeune homme est natif d'Israël. Ah ouais. Seulement, c'est rare des joueurs d'Israël dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Un jeune de 18 ans, 5 pieds 7 seulement. Donc, c'est pas un grand joueur. Il doit avoir du talent là, pour venir d'Israël, jouer ici au Québec. Mais si tu as n'importe... Je me posais la question. Le thème est tout à fait... Pas importé. Ouais, mais c'est ça le terme. C'est un importé, pas. Un joueur importé. Un joueur étranger. C'est plus merci. Respectueux. C'est... Donc. Non, mais le terme en anglais, c'est un import. Ouais. Moi, importé, ça fait comme bière importée, tu sais. Moi, importé, moi, c'est un peu comme les cigarettes, mais à l'envers. Ok. Tu sais, export et. Ah, oui. Toi, un grand fumeur. C'est toi. Sherbatov et Israël, donc 18 ans, 5 pieds 7, 24 points en 39 matchs. Donc, Sherbatov, là, je me demandais, Nicolas, peut-être que tu pourrais répondre à mes questions. Est-ce que tu penses que c'est comme un joueur de. Qui s'est pris comme un joueur russe, un des trois, on a le droit à deux joueurs russes par année. Est-ce que tu crois que Sherbatov fait partie quand même de ça, puisqu'il vient d'Israël, il vient pas d'Europe, là? Ah, tu veux dire, on a le droit à deux joueurs importés. Deux joueurs étrangers, excuse-moi. Deux joueurs russes, normalement, parce qu'on a le droit à. Américain, c'est différent, mais si t'es un Français, c'est un Français. C'était un importé. C'est ça. Fait que donc, lui, il fait comme partie des deux joueurs. Si Israël, à moins qu'il soit né en Israël, mais qu'il a déménagé ici à l'âge de 7 ans, puis qu'il a la double citoyenneté. S'il a la double citoyenneté, dans ce cas-ci, c'est pas un importé. OK. C'est pas un joueur importé. Donc, je sais pas. On pourrait vérifier ça du côté des juniors de Montréal, si jamais ils ont... ils ont combien de joueurs importés, comme tu dis si bien. Du côté des gardiens de but, Kevin Poulin a remporté sa 25e victoire de la saison. Tic de Victoriaville, du côté du junior de Montréal, c'était Jean-François Bérubé qui était devant les buts. On sait que Jake Allen était l'ancien gardien de but des juniors, a été échangé au Voltigeurs de Drummondville. Donc ça, on compare un peu les deux moyennes des joueurs. Jean-François Birubé a une moyenne cette année de 3.18 et Jake Allen, lorsqu'il était avec le junior, avait une moyenne de 2.66. Donc, ça fait changement. Hein? T'as pas la même confiance en ton gardien de but que tu l'avais. Mais donc, Birubé, ça change beaucoup le jeu. Là. Birubé, ça va être intéressant de voir si justement il va continuer. C'est surprenant, Birubé. Là. Le gars, il même pas repêché junior majeur. T'as invité à un camp, une goalette 2B, je sais pas. Pouf! L'année d'après, t'es repêché par les Kings de LA. Wow! Ouais. Surprenant. C'est remarquable. Remarquable. Chanceux. Ouais, comme tu le dis. On se transporte maintenant pour les Voltigeurs de Drummondville. Ils avaient un voyage dans les Maritimes la fin de semaine dernière. Donc, tout d'abord, ils étaient en Acadie-Bathurst vendredi pour y affronter le Titan devant seulement 1553 spectateurs. Donc, du côté de Bathurst, c'est toujours pas facile là, d'aller chercher du monde dans cette aréna-là. Ils sont partis à la pêche. Ouais, c'est ça. Ils ont bien d'autres choses à faire dans ce coin-là. Ils pêchent amoureux avec la boutique. Pas la boutique. Donc, les Voltigeurs. Edith Butler. Edith Butler, oui, oui. Qui est natif du coin, Nico? Ou... Paspidiac, ah, il me semble. Edith Butler. Je ne m'attendrais pas un deux là-dessus, mais un petit peu comme Edith Butler, Paspidiac. Okay. Ça sonne bien, Paspidiac. Ouais. C'est à côté des Munston, des beaux commerces. Probablement, c'est une des première ville importante que tu rencontres quand tu t'en vas au Brunswick. Mais pas proche de Paspidiac. Non, je ne sais pas si c'est Paspidiac en plus. Je déblatère. Bon, mais merci beaucoup. De retour sur la passerelle. De retour sur la passerelle avec Pierre-Yvon. Donc, les Voltigeurs l'ont emporté facilement 6-1 sur le Titan. Et les buteurs sont Mathieu Messier, mais écoute, Gabriel Dumont, 4 buts dans ce match. C'est un record individuel pour lui. Donc, Gabriel Dumont qui s'est personnellement occupé du Titan d'Acadie-Bathurst et de son gardien de but. Benoît Lévesque a été l'autre buteur du côté des Titans. David Gilbert, ça a été lui le seul qui a compté le but du côté du Titan. Et David Gilbert, on le sait, qui a été échangé pendant la période des Fêtes, lui qui est parti des Remparts vers la Acadie-Bathurst. David Gilbert qui ne livrait pas la marchandise que Patrick Roy espérait. Juste savoir le nombre de buts, c'était son 9e seulement de la saison. Donc, un jeune homme de 18 ans, mais qui n'a pas livré la marchandise là, du côté des Remparts. Maintenant, le lendemain, samedi, parce que c'est 3 matchs en 3 soirs pour nos Voltigeurs, ils étaient à l'île du Prince-Édouard à Charlottetown pour y affronter le Rocket. Et ça a été un match quelque peu bizarre et enlevant, je vous dirais même. Donc, tout d'abord, les Voltigeurs qui menaient 4-0 en première période. L'île du Prince-Édouard a réduit la marque à 4-2 en deuxième période. Voltigeurs ont marqué un autre but, 5-2. Et finalement, remontée spectaculaire du Rocket. 3 buts en troisième période pour faire la marque à 5-5. Les deux derniers buts ont été comptés par un ancien des Voltigeurs qui est venu hanter son ancienne équipe, qui est Samson Mabod. Lui qui a 2 buts, 2 passes dans la partie. Mais finalement, en fusillade, c'est Sean Couturier qui a déjoué le gardien Wendell V pour donner la victoire au Voltigeurs par la marque de 6-5. Donc, l'île du Prince-Édouard, quand même content d'aller chercher un point dans ce match-là, puisqu'on perdait quand même 5-2 après 2 périodes. C'est un 20 ans, Mabod, hein, c'est ça? Mabod, si je ne m'abuse, 19. C'est ouais, comme dit je te surprends. Bon, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, ne te touche pas trop. Mais, on pourrait aller s'informer pour ben, ça. J'ai l'impression que c'est pour ça que Drummond non plus, je pense que c'est un 20 ans. Et Colette me dit que c'est un 20 ans, en effet. Oui, 20 ans, merci. Écoute, merci. Je me suis abusé, finalement. Okay. Remets tes culottes. arrête de te perturber. Donc, du côté des gardiens de but, c'était Jake Allen, on sait tous, qui était devant les buts pour les Voltigeurs de Drummondville. Jake Allen qui a quand même très bien fait. 34 arrêts dans la défaite, 5 buts alloués pour un gardien de but de premier plan. C'est peut-être pas l'idéal, mais quand même, là, les du Prince-Édouard qui ont démontré beaucoup de combativité dans le match là, en inscrivant 3 buts en 3e période. Et du côté des gardiens de but à l'Île du Prince-Édouard, c'était Evan Mosher qui était au tout départ devant les buts. On l'a remplacé en début de 2e période après les 4 premiers buts des Vultures. C'est Wendell V qui a pris la relève. Wendell V, un joueur de 19 ans qui est passé là, des Wildcats de Moncton à l'Île du Prince-Édouard à la dernière période de transaction. Peut-être. Je sais pas exactement là, la transaction. Mais acquis de Moncton. Et Wendell V, dans le fond, qui a été la 3e étoile du match, là, lui qui a très, très bien gardé. A seulement accordé 1 but en 22 tirs. Donc, c'est excellent là, contre une grosse machine comme les Voltigeurs de Drummondville. Et dimanche, dernier match, donc on l'a dit, 3 matchs en 3 soirs. On affronte maintenant la pire équipe de la Ligue, les Moussets d'Halifax, qui n'ont seulement que 21 points avant le match dans cette saison. Ce n'est pas du tout une équipe de bon calibre. Et je pense que les Voltigeurs n'avaient plus de jambes. Ça n'allait pas bien de leur côté. Défaite de 2-1 devant les pauvres Mousseds. Donc, non, ce n'est pas été une excellente partie pour les Voltigeurs. C'est là qu'on voit que les Voltigeurs, des fois, ça reste à désirer. Là, peut-être, comme, peut-être la petite coche qui va manquer. Ouais, en série éliminatoire, bon, comme tu l'avoues. Dido Domenico. Oui, merci. Peut-être de retour, Pas encore là, on va voir. Non, c'est ça. Et Peter Delmas, acquis des remparts dans la dernière période de transaction, a été la première étoile du match. Lui qui a eu 35 arrêts dans le match. Delmas, s'il aurait été un petit peu... s'il aurait gaulé de cette façon à Québec, peut-être qu'il ne serait pas rendu avec une équipe qui ne fera pas les séries cette saison. Donc, Peter Delmas... Oui, mais moi, je trouve Patrick, ouais, il a pas assez fait confiance. Mon opinion, là, mais je trouve peut-être. Que Roy, en tout cas, il aurait peut-être pu y donner plus qu'une chance que ça. Là. Ah, il y en a eu des chances. Je vous dirais que Peter Delmas n'était. Quand on avait Peter Delmas devant les buts, aucune confiance. Ben, ça joue sur la confiance des joueurs. Mais si Roy ne fait pas confiance à lui, justement, lui, comment tu veux qu'il ait confiance en lui? T'as pas de quoi qui te dit Boah. Tu sais, quand ta mère, là, tu faisais un mauvais coup, puis ta mère, elle disait la phrase suivante: je suis pas fâché. Je suis juste déçu. Mmh. Tu sais, ça faisait mal à toi, là. Ouais. Ben, c'est la même affaire que Delmas devait vivre. Ben, à un certain moment donné, Delmas ne livrait pas la marchandise. On alternait entre Gagnon et Delmas. Et finalement, branle-bas de combat. Toi, tu branles une coupe de combat, là. C'est... Donc, finalement, on va chercher 2 nouveaux gardiens du côté des remparts à la période de transaction qui est tardif et demain. Donc, je pense que Patrick Roy, non, en tant qu'ancien gardien de but de la Ligue nationale, de hockey, n'aimait pas ce qu'il voyait de ses gardiens de but, tout simplement. Quelques petites nouvelles en terminant. Vas-y. Donc, tout d'abord, suspension, on sait, Patrice Cormier est suspendu indéfiniment pour le geste qu'il a commis à Michael Tam dans le match contre les Huskies. Ouais. Aussi, on remarque d'autres suspensions dans le match entre les Cataractes et les Tigres. Ça l'a brassé en 3e période. Ben oui, j'ai vu ça. Ça a brassé beaucoup. Kevin Dupont, tout d'abord, qui a sonné une mise en échec illégale à un certain joueur, je ne sais pas lequel. Okay. Tommy Tremblay, lui, pour sa part, a été suspendu 4 matchs parce qu'il a été l'instigateur de toute la foire qu'il a eue sur la patinoire. Donc, suspendu 4 matchs. Et les Cataractes ont même une amende de 500$ à payer pour les gestes qu'ils ont commis. Deuxième, troisième suspension, Tremblay cette année. Tremblay, oui. C'est pas la première, ça, t'as bien raison. Tremblay qui est un joueur farouche. Ouais, mais tu sais, c'est facile pour la Ligue des Junior Majeurs de suspendre un gars comme Tremblay. C'est pas comme Cormier. C'est différent. Cormier, on suspend. En tout cas, on en reparle plus tard. Justement, Cormier, pour ceux qui nous ont pas écoutés depuis le début, l'affaire Patrice Cormier, Michael Tam, on va reparler vers 10h40 environ. Le sujet de l'heure. Avec JP Grenier, le sujet de l'heure. Donc, on va revenir là-dessus. On va en dire pas mal plus. Joueur de la semaine, Joël Chouinard, des Tigres de Victoriaville. C'est la 2e semaine de suite qu'il est joueur de la semaine. La semaine dernière, il avait été joueur défensif parce que c'était un défenseur. Et cette semaine, il est joueur offensif. Il a eu 5 buts, 4 passes, 9 points dans les 4 victoires des siens. À ses 9 derniers matchs, il a au moins accumulé 1 point à chaque match. Donc, ça va très, très bien gagner pour M. Chouinard et joueur de la semaine défensif, Peter Delmas, on en parlait. Peter Delmas, c'est l'ancien gardien de but des Remparts, qui a eu quand même deux victoires, qui a amené quand même les Moussettes vers deux victoires face aux Saguenayens et aux Voltigeurs de Drummondville. Depuis qu'il, dans ces deux matchs-là, il a accumulé une moyenne de 1,00 et un pourcentage d'efficacité de 0.964. Donc, est-ce que le nombre de cycles qu'il reçoit par match va aider, va l'aider? Parce que c'est pas la première année là, que l'année passée, Demars était du côté de Lewiston. Il devait garder les buts pour une équipe qui n'allait pas bien. Et cette année, c'est la même chose. Certains diront que plus tu pilles le rubber, meilleur que tu t'améliores. C'est ça. Ah, t'as bien raison, on pourrait pas mieux résumer c'est pas ça. Beau, c'est pas beau, c'est pas bien dit, non. Mais ça veut tout dire. C'est ça. Écoute, on a peut-être le temps de parler un petit peu d'un portrait, du prochain portrait des séries, parce qu'on commence déjà à savoir à quoi ça ressemble du côté des séries éliminatoires. Donc, si on regarde en première ronde, dans la division centre, les Tigres de Victoriaville ou les Voltigeurs de Drummondville vont affronter, tout dépendant qui finit au premier rang ou au deuxième rang, qui va affronter les Maniacs de Lewiston ou les Cataractes. Je pense que c'est une grosse course entre les Tigres et les Voltigeurs pour qui affrontera les Lewiston, parce que c'est certain qu'on a une équipe en première ronde des séries. On veut pas aller jouer contre les Cataractes à Shawinigan. On sait que les Cataractes peuvent surprendre. Les Lewiston ont beaucoup moins de chance. Donc, je pense que le premier rang est très important entre les deux équipes. Et on en reparlera plus tard comment ça peut être important encore plus loin lors de la deuxième ronde. Du côté de la division S, les Remparts affronteront soit les Dracars de Baie-Comeau s'ils réussissent à se classer, ou sinon, ce sera probablement le Titan d'Acadie Batters qui va comme sortir de la division des Maritimes pour aller affronter le premier de la division S. Rimouski-Chicoutimi devrait s'affronter. C'est presque assuré dès maintenant qu'ils s'affronteront en première ronde. Dans les Maritimes, c'est là que ça se corse. C'est là que Rimouski et Chicoutimi vont s'affronter. Puis tant qu'à moi, c'est deux équipes qui justement devraient affronter Victo ou Drummond. Ça, je suis bien d'accord. Le mode des séries, comment c'est fait maintenant, comme cette année, je trouve que c'est un peu mal fait. Mais l'année passée, je trouvais que ça avait mis du piquant aux séries éliminatoires, je vous dirais. Ouais. Mais cette année, c'est différent un peu. Là, justement, là, Rimouski, Chicoutimi qui vont sortir de la première ronde, puis que, tandis que tu as une équipe comme Saint-Jean, Île-du-Prince-Édouard, Moncton et Cabreton, qui deux équipes de ça qui sortiront des séries dès la première ronde. Donc, c'est dans les Maritimes vraiment que ça joue à la première ronde. Ça va être serré, comme des petites fesses serrées. Quoi? Je ne sais pas de où j'ai sorti, mais ouais. En tout cas. Et du côté de l'Ouest, Rouyn-Noranda-Val-d'Or en première ronde. Waouh, ça devrait être toute une série, encore une fois. Val-d'Or qui est allé chercher quelques joueurs pour être capable de rivaliser contre les Huskies, mais... La raison pourquoi Val-d'Or n'a pas essayé de pacter un club. Voyons, toi, ils sont quand même 7e meilleur club dans la ligue. Là. Bonne chance. Comme tu le dis très bien. Deuxième ronde maintenant. OK, on va rapidement. Normalement, si on aurait le classement qu'on a aujourd'hui, Saint-Jean devrait affronter Gatineau-Montréal, tout dépendant qui gagnera entre les deux. Encore une fois, comme on peut voir que c'est le premier rang entre Victoriaville et Drummondville, le premier rang est très important puisque... le premier rang, dans le fond, la personne qui va terminer au premier rang, soit les Tigres ou les Voltigeurs, affronteront l'Océanique en deuxième ronde. Donc, une petite ronde facile encore pour une des deux équipes. Tandis que l'autre qui terminera au deuxième rang de la division se glissera au cinquième ou sixième rang, puisqu'on sait les quatre premiers sont dans les quatre premiers de chaque division sont dans les quatre premiers pour l'avantage de la glace. Donc, devra affronter Rouyn-Noranda. Donc, soit les Tigres ou les Voltigeurs affronteront les Rouyn-Noranda et n'auront pas l'avantage de la glace dans cette série. Donc, ça sera plus difficile dès la deuxième ronde. Ça va être palpitant, ces séries-là. Oui. Et Québec qui affronterait Moncton là, en deuxième ronde. Ça aussi, ça devrait être très palpitant. Donc, qu'est-ce qui résume l'actualité dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Merci. C'est moi qui te remercie, Pierre-Luc. On s'en va une pause. Deux minutes. Au retour, Grimmskunk, gros tas de marde. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. L'Université du Québec à Trois-Rivières ouvrira ses portes aux futurs étudiants et visiteurs le samedi 30 janvier prochain de midi à 16h. Saisissez l'occasion de venir à l'UQTR lors de la journée porte ouverte et de découvrir les multiples facettes de la formation de la vie universitaire sur le campus Trifluvien.

C'était Grimmskong avec la chanson. Hey, j'ai un blanc. Comme un tas de merde. Gros tas de merde, c'est ça. Gros tas de merde. On y va avec les actualités de la semaine. Monsieur JP Grenier, qui joue à vous. Nous, ça va bien, JP? Salut les gars, bon carnaval. Pis, ah, merci, merci. Écoute, c'est pas facile ce matin, je dois le dire. Là, il y a le bain de neige qui commence à. Qui va s'arranger, là. Ils sont en train de faire ça, le bain de neige. Donc, puis Luc qui est plus en studio, a quitté le studio pour aller voir les filles qui vont se mettre en costume de bain dans la neige. Donc, comment il on appelle ça? Ouais, il me laisse ça. Comment on appelle ça? C'est-tu. Comment, pervers, là, mou? Ouais. Ouais, pervers, ok, pervers. Juste être sûr, c'est. En tout cas, je voulais juste confirmer avec toi que j'avais bien raison sur ce mot-là, là. Réponds donc. Ouais. Est-ce que. Si tu ris en silence, on ne sait pas, JP, t'es à la radio, là. Ah, OK. Voyeur, c'est ça. Voyeur, pas pervers, voyeur. C'est... La ligne est mince, mais Pierre-Luc est un voyeur ce matin. Puis, il fait pas trop frais. Pierre-Luc est de retour en studio! Donc, non. C'est du très beau sport ce qu'on a ici en ce moment, là, au campus. Qu'est-ce que ça court dans tes culottes? Hop! Un petit problème de micro. Encore le micro qui me lâche en pleine face, je suis deux en deux. Hey, donc, allons-y un peu avec les actualités de la semaine. Maintenant, tout de suite. Et avant de commencer avec les actualités de la semaine, je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre, c'est le www.inconduitdeparti.com, l'email inconduitdeparti, live plutôt, en commercial, inconduitdeparti.com. JP, oui. Nouvelle, allons-y avec Benoît Groulx, je ne sais pas si tu as vu ça un peu. Benoît Groulx, l'ancien carrière du Rouge-et-Or de Laval, a signé une entente de 5 ans avec l'Université Bishop, les Gators. Il est automatiquement leur coach offensif. Une bonne chance pour lui. Il a dit que c'était son rêve d'être un jour entraîneur. Puis si je pense qu'il peut commencer à ce niveau-là, ben, y a des c'est excellent pour lui. Il y a déjà une bonne shape d'entraîneur en plus. Exactement, une bonne bédaine. Donc, JP, est-ce que c'est quand même un des joueurs les plus intelligents que j'ai vu au niveau collégial canadien. Une bonne tête de football. Je pense que ça peut juste être positif pour Bishop. Puis Laval qui sont un peu déçus de ne pas pouvoir. Ouais, mais ben c'est ça. Est-ce que tu crois que après quelques années de service chez les Gators, il pourrait aller retrouver l'Université Laval comme coordonnateur offensif? La question, c'est est-ce qu'il va vouloir? Ouais. Justin Étier fait une job ça, d'enfer. Oui, ça, je suis bien d'accord. Justin Étier est là pour rester, pour, d'après moi, là. À moins qu'il upgrade dans la SCF. Là. Ouais. Mais oui. Bon. Peut-être dans la NCAA aussi. Là, parce que Bonagrou, je pense que l'Université Laval t'a trouvé sur le cœur. Ben, c'est sûr que, écoute, c'est un de leurs produits. C'est eux qui ont donné la chance. Ils sont un peu déçus, sauf que c'est sûr que, comme tu l'as dit, Étier est encore là pour plusieurs années. Puis je pense que peut-être que son but, c'est d'être entraîneur en chef. Puis on le sait, là, Glenn Constantin est encore là pour plusieurs avenirs. C'est assez stable de ce côté-là. Donc, je trouve que Bishop, c'est une belle opportunité pour lui. Ils vont vraiment sa chance là, de se faire paraître. Exactement. Allez, on y va avec des actualités au niveau de la UFC. Ça s'est parlé beaucoup dernièrement, comme quoi que la UFC viendrait faire un gala à Montréal, UFC 113, que ce serait. La carte commence de plus en plus à se préciser, je te dirais. Par contre, on n'est plus sûr de la date exactement. On dit qu'il y aurait... c'est Floyd Mayweather qui affronterait Shane Mosley cette fin de semaine-là. La fin de semaine, écoute, j'ai pas la date, là. J'essaie de trouver ça, là. On disait que ça serait... En tout cas, début avril, là, début mai, excuse-moi. Cette fin de semaine-là, mais ça serait poussé pour justement pas faire concurrence, je peux dire, au gala de boxe qui serait assez gigantesque, merci. Donc, on va voir, ça va être intéressant à voir. On parle de Kimbo Slice qui sera à Montréal. Le gars que plusieurs ont vu à se battre dans les rues. Bon, puis dans l'octogone, ça n'a pas été ce qu'on peut dire le plus... performant en tant que tel. Donc, c'est ce joueur-là. On voirait aussi à cette carte-là Paul Daly. On verrait Josh Koscheck, qui est vraiment tout un combattant. On verrait TJ Grant. Et au niveau du Québécois, on avait parlé la semaine dernière, Sam Stout. Pas Québécois, excusez-moi, Canadien. Sam Stout et Jonathan Goulet. Et vient de se rajouter Patrick Côté. Patrick Côté qui... lors de son dernier combat, si je me mélange pas, je veux pas me tromper, mais qui avait affronté Anderson Silva, qui est probablement... Côté est probablement celui qui a fait le plus longtemps avec Silva, c'était rendu au troisième round. Malheureusement, c'était disloqué à la rotule, comme lui-même, en faisant un mauvais mouvement, en reculant. Il s'est dit la carotule, il a perdu le combat. Donc, ça va être très intéressant, j'ai hâte de voir ça. On parle pour le main event, on parle, c'est Mauricio Shogun Rua qui ferait la carte principale, le combat principal. Il affronterait Lyoto Machida, ce serait un rematch. On verra aussi Quinton Rampage Jackson contre Rashad Evans. Il va y avoir du monde à Montréal cette fin de semaine-là, je peux te le garantir. Écoute, je vais te parler aussi du Collégial 3. Collégial 3, ici, on a les Dragons du Collège de la Flèche qui affrontent. L'équipe d'étoiles de la misère. Ils ont fait l'équipe d'étoiles ici, féminine et masculine. Je te dis qui du Collège de la Flèche a joué, a été sélectionné. Dans la première équipe d'étoiles, chez les hommes, personne. Dans la deuxième équipe d'étoiles, tout le monde, je te dirais, il y a vraiment plein de coachs. Tu vas retrouver Brendan Garrett, tu vas retrouver là-dessus Étienne Jutra, le défenseur que j'ai rencontré. J'ai fait un reportage avec lui dans le cadre de l'émission 15 têtes Van Mieuken. Donc, très, très, très sympathique. On va retrouver aussi Maxime Ricard, Vincent Lompré à l'attaque, de même que André Bouvet-Morissette et Mathieu Nolin. Donc, c'est ceux-là. Et Normand Meunier était un des entraîneurs de la deuxième équipe d'étoiles. Donc, je te dirais, c'est ce qui conclut pour ça. Midget 3, puis à Luc, les estacades? Oui, les estacades, cette fin de semaine, qui avait deux matchs. Donc, tout d'abord, ils affrontaient le Collège de Notre-Dame. Donc, ça, c'était vendredi soir. Victoire de 4-3 des estacades de Trois-Rivières. Donc, les buteurs du côté des estacades sont tout d'abord Félix-Antoine Bergeron, Nicolas Lévesque. Ensuite, nous avons Vincent Marcoux et nous avons Julien Hull aussi qui ont été les buteurs. Ensuite, ils avaient un match contre les élites de Jonquière. C'était du côté du Centre Alphonse Desjardins. C'était dimanche. On pouvait souligner pendant le match le 250e, la 250e partie pour l'entraîneur-chef des estacades de Trois-Rivières. Donc, excellent. Oui, félicitations. C'est excellent, félicitations. C'est trois saisons à peu près, ça? À peu près, peut-être un petit peu plus. Un petit peu, ouais. Et ces joueurs, ils en ont donné pour son argent. Victoire de 6-2 des estacades de Trois-Rivières. Donc, bravo. Ça va très, très bien du côté des estacades. Donc, 6 buteurs différents. Tout d'abord, Pierre-Olivier Marcoux. Ensuite, Benoît Marcoux. Nous avons aussi M. Francis Turbide. Pierre-Olivier Marcoux, encore une fois, 2 buts dans ce match. Ensuite, Alexandre Perron-Fontaine et Julien Hull, encore une fois, son deuxième but en 2 matchs. Ça va très bien du côté des estacades pendant la fin de semaine. Donc, on lâche pas. Exactement. Et du côté du Carongué, ils disputaient 2 parties durant la fin de semaine. Ils l'ont emporté 3-2 contre le Saint-François de Sherbrooke, ici même à Trois-Rivières. Et ils affrontaient l'isothermique de Thetford Mines au Centre Mario Gosselin, une victoire de 4-3 du Caron-Aigué. L'isothermique, en passant, ils ont signé Junior Lessard, Lucien Lessard de son vrai nom. Donc, un bon petit joueur. Au niveau du classement général, le Caron-Aigué est présentement à l'avance. Première position avec 31 matchs joués, 44 points. Ils sont suivis par le CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce et le Saint-François de Sherbrooke. Donc, bonne petite fiche pour eux. Salut, JP. On va à la musique. On va à la musique. Hein? On va-tu à la musique? On va à la musique. Au retour, tu nous parles olympique, JP. C'est ça. Je pense que t'as beaucoup de stock, hein? Ça s'en vient les olympiques. Donc, on se parle de ça. On s'en va à la musique. On va aller écouter Imaginaire Incontournable avec le groupe Hockey Boyka. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Yeah! Et c'était Hockey Voica avec la chanson Imaginaire incontournable. JP? Yeah. JP, Olympique, ça s'en vient vite, là, ouais, les Olympiques. Ouais, ça là. S'en vient vite. Un mois, on a pas... événement que je pense qu'on est quand même très chanceux de pouvoir vivre ici à la radio. Ah, ça va être... Ah ouais, C'est fou, va être votre source officielle pour les nouvelles sur les Olympiques. On est choyés, on est privilégiés. Exactement. Donc, cette semaine, je vais faire un petit survol des disciplines, sans entrer trop dans le sujet, juste donner aux auditeurs un peu un petit preview de ce qui va se passer avec les disciplines que j'ai souligné que les Canadiens ont une meilleure chance de gagner les médailles, peut-être. Là. Commençons tout de suite avec le surf des neiges. Oui. Canada qui est toujours une force avec Jesse J. Anderson. Il est arrivé quoi avec Ross Rebellietti? Je sais pas partout. Écoute, Je pense qu'il est. Honnêtement, là, il est genre dans l'immobilier ou quelque chose. Tu t'appelles-tu, c'est qui Ross Rebellietti? Non. Ok, le. Tu sais, le fameux snowboarder qui avait été pris avec de la marijuana dans ses tests d'urine en 98 à Nagano. Non, 98 Nagano. Moi, je me levais la nuit pour écouter ça. C'était à 4h. Les games de hockey étaient à 4h30. J'avais un deal avec ma mère. Je me couchais à 8h. Puis je me levais à 4h30 pour écouter la game avant d'aller à l'école. Wow! Comment t'appelles ça, un maniaque, c'est ça? Ouais, hein, dealer. avec le beau fiasco du Canada en plus cette année-là. Et ouais, contre les Tchèques en semi-finale, ben on avait perdu en de finale consolation contre. Est-ce que t'as renvoyé Wayne Gretzky, toi? Ou... Ah, j'ai renvoyé Wayne Gretzky. Ouais. C'était à la place de Shanahan. Aïe, quelle t'avais... décision de Crawford. Alors, pour le surf des neiges, c'est ça. Kegnos a surveillé Pat Farrell, Tom Michael Lambert, Justin Lamoureux, Jesse J. Anderson, la plupart des Québécois. C'est le fun de voir ça. Lambert est ontarien, par contre. Ah, OK. Directement de Toronto. Parfait. Donc, ça va être à surveiller de ce côté-là. Une discipline quand même excellente. Je sais que du côté des États-Unis aussi, t'as des gars comme Sean White qui sont pas mauvais non plus. Là. Donc, lui, ça va plus être dans le freestyle. Puis dans la half-pipe, je sais pas, y a-tu des half-pipe encore cette année? Ben oui! Ah, ça, c'est tellement excellent à voir. Ah ouais. Mais toujours c'est spectaculaire, les gars mènent des nouveaux mouvements, puis c'est, en tout cas. C'est différent un peu aussi de des X-Games. De la façon que c'est fait, c'est ton pays, puis tout, on dirait qu'il y a moins de. C'est un peu moins bling-bling. Ben, je trouve que depuis qu'ils l'ont instauré, ça amène des nouvelles saveurs. C'est le fun qu'il y ait des nouveaux sports comme ça. Ah ben oui, ça t'empêche. Puis tout, parce que je pense qu'on en est rendu là. Pour rendre justement les Jeux Olympiques aussi populaires que les X Games, qui prennent un essor d'année en année. Sinon, au ski, t'as plusieurs disciplines dans le ski. T'as le ski alpin, le ski de fond, le biathlon, le ski acrobatique, le combiné nordique, le saut à ski. Ski alpin, mais là, t'as les gros noms habituels, Eric Gay, t'as Jan Udec, Anna Goodman. Je pense que ça va être à surveiller. Les ouais, ben là, le problème, là, c'est que l'équipe de ski canadienne est scrappée, là. Ah, beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures, là. Kuchera, t'as Bourque, t'as Kelly Van Der Beek, JP Roy est blessé aussi. Côté féminin. Hein? Ben, moi, je me trompe, là. Parce non, Kuchera était dans les chances. Personnellement, dans le ski, il reste. Je pense pas que Bryden va être capable d'aller chercher une médaille. Il reste. T'as Eric Gay, t'as Osborne Paradis surtout. Mais encore une fois, t'as des pays comme les Norvégiens et les Autrichiens qui, eux, ça fait quasiment leur sport national, vont être durs à battre, mais regarde, moins une médaille de bronze. Oui, mais ils sont pas chauds au hockey. Ils sont pas chauds au hockey, oui, sauf qu'au hockey, t'as juste deux médailles, tandis qu'au ski, t'en as plusieurs. Il en parlait aussi, il disait que Cypress Mountain, qui est la montagne où est-ce que va se dérouler les Olympiques, là, le comité organisateur a décidé de la fermer un mois plus rapidement. Plus gros à Vancouver. Okay. Plus pas mal à Vancouver, c'est très humide à Vancouver. Mais donc, tu vas me dire ça, les Jeux Olympiques sont-tu aussi du côté de l'Alberta? T'as Banff, t'as Whistler, non. Ces montagnes-là? Ben Whistler, t'as Colombie-Britannique par contre. OK. Parce que c'est Vancouver-Whistler officiellement les autres. Donc Cypress Mountain, c'est dans Whistler, là, dans le fond, si je me trompe. Parce qu'il y aurait si plus je me trompe pas, un partenariat de ce côté-là. Je sais qu'on avait parlé gros aussi, il y avait des Jeux Olympiques à Québec. S'allie comme un peu avec l'État de New York pour faire ça n'aurait jamais marché, ça. Puis tu sais autant que moi. Donc, c'est ça du côté du ski alpin. Il y a aussi du côté du ski acrobatique, le saut, là. Ça, c'est, d'après moi, une de mes compétitions préférées avec les boss et tout. Alexandre Bilodeau. Okay. Gros espoir canadien. Ouais, t'as Bilodeau, t'as Marquis, T'as P.O. Rousseau. P.A. Rousseau. P.A. P.A. P.A. P.A. Ouais. Donc, les trois devraient normalement... J'espère au moins une médaille là-dedans. Là. Au moins, je sais que Bledo s'est fait voler un peu aux derniers Olympiques par l'Australien qui est en fait Canadien. Là. Oui. Ah, boy, son nom, je l'ai pas, là, mais... Ouais, c'est un Australien canadien, là. Il était des... Il était prêt à faire les... Ils l'ont pas pris sur l'équipe du Canada, fait qu'il était en Australie. Il avait la double citoyenneté. Il a fait l'équipe australienne, sans surprise, on s'entend, là. Puis il avait remporté... Mais c'était pas contre Bilodeau, par contre. C'était-tu contre Bilodeau? Ouais, c'était contre Bilodeau. T'es sûr? Bilodeau qui avait 18 ans à l'époque. OK. Non, il s'avait fait voler, là. Je m'en souviens, je l'avais écouté, puis... Quelle discipline excitante. Jennifer Hill devrait tout remporter chez les femmes, parce que comme c'est parti. Jennifer Hill devrait tout remporter côté femmes. Il y a un peu moins de compétition à ce niveau-là, mais regarde, tu sais jamais. Tu t'entraînes 4 ans pour 2 minutes. Donc, ouais. Ça peut toujours changer. Même pas 2 minutes, là, ça dure 25 secondes, une descente. Sinon, dans les sports de glisse, le bobsleigh avec Pierre Luders, qui est toujours aussi excellent. Le skeleton, j'ai pas trop les noms, sauf que j'imagine que le Canada doit être excellent de ce côté-là. Le skeleton, qui est assez cool, je veux dire, toujours rêvé d'essayer ça, moi. Oui, ben, je sais pas, j'aurais comme peur de mourir. Ah, mais t'as un casque. Ah, OK. T'as une jambe de moins à la fin de l'arène, mais c'est correct que j'avais mon casque. Hey, j'ai fait mes recherches. Del Begg Smith, l'Australien canadien. Smith, OK. Exactement. Beg, ah, ouais. Smith. Beg avec deux J. Donc, patinage. Ben, moi, selon moi, le Canada est une force utile de ce côté-là, autant artistique que courte piste et ainsi que patinage vitesse. On l'a vu par les autres Olympiques que le Canada réussissait toujours à classer ses hommes et ses femmes, puis on avait des bonnes performances de ce côté-là. Patinage artistique, t'as Joanny Rochette et Cynthia Faneuf qui sont les gros espoirs canadiens. Patinage de vitesse, t'as quelques Québécois là aussi, là, le Vincent Labrie, t'as voyons comment il s'appelle là. J'oublie les noms vite de même, là, sauf que encore une fois le Canada, une puissance de ce côté-là. Ouais, ouais, tout à fait. Curling. Ben curling. C'est qui là? C'est qui représente le Canada cette année, sais-tu? Ben du côté des femmes, c'est le quatuor formé de Cheryl Bernard. Ouais, c'est à pas ma grande déception. C'est pas Jennifer Jones, hein? Ouais, c'est ça. Cheryl qui est un peu moins intéressante à regarder. Oh, mais... t'es vache. Eh non, elle est jolie en plus. Fait que elle écrit bien quand même. Ouais. Oh, comment. Et puis, t'as Kevin au moins, Martin, yeah, moi, de toute façon, je te souhaite, t'allais dire qu'elle était MILF, fait qu'à partir de là... là... Donc, t'as Kevin Martin, qui est un vétéran de plusieurs saisons sur le circuit canadien, qui représentera les hommes. Et pour finir, on en parlera plus au cours des semaines à venir, là, l'événement des Jeux olympiques, l'équipe de hockey canadienne, autant chez les hommes que chez les femmes, là, quelle équipe. Une des meilleures de l'histoire, ils disent, ça sera surveillé. On sait qu'il y avait des chats en 2006, ils peuvent pas manquer leur shot cette année. Exactement. Donc, JP, on s'en va à la pause? Parfait. Au retour, on va parler, on en a parlé, ça s'en vient, on va avoir la discussion. Patrice Cormier, suspension, Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Toi, tu irais avec quoi? On va savoir ça. On va savoir aussi PL, ce qu'il donnerait. On va discuter de cheap shot un peu. Toi, les pays que t'as vus, il y en a eu des cheap shots, là. Les coups bas à la tête, comme titrait la presse ce matin. Belle petite phrase, une belle petite explication, je trouve. Donc, si vous voulez nous rejoindre en studio, c'est le live à commercial@inconduitedepartie.com. Si vous voulez visiter notre site web, notre blog, c'est le www.inconduitedepartie.com. On se voit dans 2 minutes. Parez-vous de vos plus belles tenues de soirée pour un retour remarqué vers les années 40. L'Association générale des étudiants du Collège La Flèche vous convie à son casino annuel, édition Blanc et Or, qui aura lieu le samedi 30 janvier 2010 à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Les billets seront en prévente à 12 $ et 15 $ à la porte. Tous les fonds amassés serviront à supporter l'implication et l'engagement étudiant. Pour plus d'informations, contactez l'AG du Collège La Flèche au 819-375-1357 ou visitez notre page Facebook. Le samedi 30 janvier 2010, les étudiants du Collège La Flèche vous invitent à leur casino annuel. Soyez-y! À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité, les jeux de la communication, une vitrine pour les étudiants et pour l'UQTR. Art et spectacle, nouveauté de l'ONF à Trois-Rivières. Sport, création d'un comité institutionnel pour le sport interuniversitaire. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Elle est de retour et elle n'est pas contente avec son championnat de jam débile enregistré au Café Chaos. Ma tante Frère, come on! Plus fort que ça! Les championnats de jam débile de Ma tante Frac tous les samedis à 13h sur les ondes de C'est fou 89.1. Tu as pris 10 livres pendant les fêtes? Ta résolution de 2010 est de te mettre en forme? Communo Gym, c'est un centre de conditionnement physique unique qui comporte les services d'un diplômé en kinésiologie, évaluation de ta condition physique sans frais, des programmes individuels, stationnement gratuit et des appareils de conditionnement physique de qualité. Avec Communo Gym, maintenir la forme et la santé à prix abordable, c'est possible. Abonnement de 3 mois, seulement 75 $ plus taxes. Communo Gym, 1060 Saint-François-Xavier, 819-840-0462. Communo Gym. Les bains me disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Les bains me disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. I'm here now waiting to convince. Rise Against, Ready to Fall. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Allons-y, allons-y. Écoute, il y a un sujet qui est chaud présentement dans tous les chaumières, dans toutes les chaumières, c'est le geste de Patrice Cormier, le coup d'épaule, pas d'épaule, excusez, mais de coude, envers Michael Tam, le défenseur des Remparts de Québec. JP, t'as vu les gestes? J'ai vu la triste scène, ouais. Je pense que le mot est bon, triste. Dégueulasse, même. Écoute, j'ai écrit un petit billet là-dessus sur l'inconduite de partie, justement. Excellent texte, même. Merci. J'ai mon nombre de visites relativement stable quand vient le temps de mettre un texte. Là, ça ressemble tout le temps à peu près comme à jamais. Je te dirais que hier, juste avec les visites d'hier, j'ai quadruplé, cinquuplé, à peu près cinq fois plus de visites que mon record de visites était pour mon site. Le sujet est très chaud. Ou c'est peut-être moi qui est meilleur, je sais pas, l'un des deux. Là. Mais jamais, tu dois l'être bon. Mais non, en tout cas, vraiment, là, c'est très sale ce qui s'est passé. Cormier. T'en penses quoi, toi, JP? Ben, moi, je trouve ça déplorable. Pour vrai, là, quel coup d'imbécile. Ouais. C'est pas la première fois là, que Cormier fait ça. On l'avait vu au championnat mondial junior. Contre les Suèdes, il est allé d'un petit coup de coude sur Rodin. Ça passe inaperçu. Sauf qu'aujourd'hui, avec toutes les caméras puis que la télé, il s'attendait à quoi là, que ça passe inaperçu puis que personne ne le sache, là? Même toi, tu pourrais faire une phrase dans ta ligue de garage, Nicolas, puis tout le monde le saurait. Là. Ben oui. Regarde. En plus, c'est prémédité. Il peut pas dire que c'est un accident. Là. Il est arrivé dans le milieu de la glace. Il s'en est donné avec un joueur pour aucune bâtard de raison. Je là. Sais pas ce qu'il visait. Il s'attendait-tu que le gars s'enlève de là? Y a-tu un geste de Michael Tam avant? Je sais pas. Je peux pas dire ce qui s'est passé, mais pourquoi il a fait ça, lui? C'est inconcevable. Voyons, toi, gros gnochon, là. Tu sais, on en revenait souvent aux batailles dans la Ligue et tout. Ben, sérieux, je pense que s'il enlève définitivement les batailles dans le hockey... Tu vas en avoir des gestes comme ça. Tu vas en avoir encore plus. Parce que là, t'as-tu vu la réaction des joueurs des Remparts? Hey, c'était fade, là. Hey, touche pas à mon joueur, là. C'était digne de Patrice Brisebois quand Richard Zetnik s'était fait geler dans le centre par Carl McLaren. C'était digne de ça. Ça poussait un peu, puis hey, touche pas à mon joueur, là. T'es méchant. Écoute, je suis pas pour la violence dans le sport, loin de là. Mais des fois, ça en apprend. Des fois, ça en apprend, regarde. Puis un des gros problèmes, je trouve, au hockey, comparativement au football, c'est que t'as un bâton dans les mains. Puis des coups de bâton, il y en a. Puis habituellement, on a juste à penser au coup de Marty McSorley ou bien Perez Hogan, tu sais, tu donnes des coups de bâton, puis ça peut avoir un impact majeur. T'as ce coup de football, tu te fais plaquer, OK, ben gars, sur le prochain jeu, je vais aller te repogner. C'est ça que ouais, mais t'as moins de stock. Les gars, on dirait qu'ils se respectent plus aussi, là. Ouais, entre autres. En tout cas, je trouve ça dégueulasse comme qu'est-ce qui est arrivé. Puis selon moi, on devrait le carrément le suspendre. Toi, tu irais avec une suspension de combien? Ben, carrément la saison pour les séries. Quand je vois ce que le gars a eu en Ontario pour un plaquage qui était à peu près 15 fois plus légal que ça, oui, le jeune, garde, c'est plate. Il est blessé sérieusement. Tu parles de donc, on s'entend que le plaquage était légal. Là. Tu parles de Fanelli, Mike Lambert. Ben, le plaquage, c'était une charge. Ça, c'était une charge. Le problème, c'est que Fanelli s'est retourné à la dernière minute. Dans la seconde même, puis bon, le fait que ça tournait, plus le coup d'épaule de Lambia, ça fait qu'il a spiné, puis il était se pété à la tête, ben comme faux dans la vitre. Mais tu sais, plus les images sont choquantes, plus la suspension est grosse. Hein. Puis Tam en convulsion sur la glace, là, t'en veux des images choquantes, là, t'en as une bonne. Ben écoute, gars, si la Ligue veut paraître sérieuse, puis mettre ses culottes, devrait le suspendre pour le reste de sa carrière junior. Oui. C'est parce qu'il peut. Le problème avec une suspension comme ça, c'est qu'il peut revenir l'an prochain. Il peut revenir l'an prochain techniquement comme 20 ans. Il ne fera pas, mais il peut. Puis comme je t'ai déjà dit par le passé, c'est dommage parce que ce gars-là, faudrait être sûr du règlement, mais ce gars-là va sûrement aller signer dans la Ligue américaine. Ouais. Puis continuer à jouer au hockey, être payé pour le faire, tandis que l'autre, il va sûrement encore jouer au hockey. Sauf que c'est sûr qu'il sera plus le même joueur, là. Et toi, Pierre-Luc, qui vient d'aller mater les filles dehors dans le bain de neige, ben oui. Là. Qu'est-ce que je pense du bain de neige? Écoute, il y a des. Non, pas du bain de neige de Patrice Cormier. Patrice Cormier, ben, moi, je pense que c'est quand même difficile de juger quelle sera la suspension qui lui sera donnée parce que c'est quand même un futur joueur de la Ligue nationale, probablement. Et puis, ben, moi, je dirais pas toute la saison. Non, en quoi ça change que ça soit un futur joueur de national? Ça change que c'est différent. Écoute, la dernière fois qu'on a vu un joueur, c'était Alexandre Daigle. Il avait été suspendu 8 matchs. Ça fait quand même de ça un bon 8 à 10 ans. On avait asséné un coup un peu pareil, une mise en échec par derrière et seulement 8 matchs pour un futur espoir, Alexandre Daigle, finalement. Sauf que ça a changé, là, la Ligue du Junior Major du Québec. Ouais. Là. Tu peux pas dire ça, puis hey, non, mais on s'en fout que ce soit un futur joueur de l'Union. Non, je sais. Moi personnellement, c'est saison série, fini, parce que, sac, excusez, je m'en ai sacré, j'ai pas de doigt. je m'emporte, là, mais oui, ben, je m'emporte parce que les scènes sont. La scène est vraiment dégueulasse. Gracieuse. Puis inutile. Tu sais, c'est même pas une mise en échec, là. C'est un coup de coude sorti de même, sans raison. C'est parce qu'il était fatigué, là. Il arrivait directement du banc, là. Ouais, non, il sortait, c'est sorti ça, du banc, justement, juste pour aller le chercher, paf. Moi, c'est pas compliqué. Toi, c'est quoi ta suspension que tu donnerais, toi, là? Parce que là, toi, t'as l'air à être plus clément, là. Ben oui, pour un joueur comme Patrice Cormier, je serais peut-être plus clément, mais écoute, à voir qu'est-ce que, comment la Ligue et comment les commentaires des experts, Michel Bergeron, etc., Gaston Therrien, ont réglé, tu sais, je veux dire, il faut prendre en compte aussi, qu'est-ce que le monde pense de ça. Je pense que Raymond Bolduc ne prend pas la décision en mettant les médias de côté. Puis, tu sais, c'est quand même difficile de donner une suspension pour le reste de la saison. Et les séries pour un joueur comme Patrice Cormier. Mais t'as bien raison, je suis bien d'accord qu'il faut faire. Un moment donné, il faut donner des sanctions pour des coups comme ça. Ça n'a pas sa place dans le hockey junior majeur. Excuse-moi, Pierre-Luc, mais en même temps, en étant plus clément avec un joueur qui a un statut de vedette, si on veut, comme ça, ça pousse les autres gars avec le même statut à leur faire. Ouais, ça, t'as bien raison. Ben, regarde, la Ligue, on ne doit rien donner à Cormier. Présentement, je suis deuxième meilleur pointeur dans la Ligue. Pourquoi j'irais pas avec des coups de cochon, moi aussi? Moi, c'est un peu de même que je vois ça, là. Ouais. Je pense que ce serait le temps de donner l'exemple tout de suite pour que la prochaine fois, les gars, ils pensent peut-être 2-3 fois avant de le faire, là. Ah, tu fais un standing. Ça, t'as bien raison là-dessus. C'est sûr, c'est vrai, là. Mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Puis c'est vraiment. C'est dur pour la Ligue d'hockey junior majeur du Québec aujourd'hui. Là. C'est une catastrophe pour eux de devoir sévir devant un geste aussi disgracieux. C'est pas facile pour la Ligue d'hockey junior majeur du Québec en ce moment. Ouais, mais il faut faire ce qu'il faut faire, là. En tant que tel, que la Ligue junior majeur du Québec doive suspendre, mais qu'elle suspende. Moi, du 2 poids, 2 mesures, je compte ça. Toi, JP, je le sais pas, là, mais moi, du 2 poids, 2 mesures, non. C'est la même chose que ce soit Tommy Tremblay. C'est ça que je disais tantôt, c'est facile de suspendre Tommy Tremblay. Il est sur le troisième trio, tout. C'est plus difficile de suspendre Patrice Cormier. Sauf que le geste de Cormier est un des pires bâtards de gestes que j'ai vu depuis des années. Là. C'est certain que le fait que ça soit pas la première fois qu'il fasse un geste semblable, qu'il a déjà fait 2 fois au championnat mondial junior, va peut-être jouer dans la balance aussi. Ça, c'est pas la même affaire parce que justement. Au championnat mondial junior, c'est au championnat mondial junior. En tant que tel, t'as pas d'antécédent dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est vrai. Cormier a jamais été suspendu dans la Ligue junior majeure du Québec. Fait que c'est une première offense, mais tu peux pas laisser passer ça. Non, mais tu sais, quand on l'a vu faire ça 2 fois au championnat mondial, là, on le fait pendant la Ligue. Oui, ça n'a pas. Le geste qu'il a fait auparavant au championnat n'a pas aucun incident sur en ce moment qu'est-ce qui se passe. Mais veux pas, tu dis, c'est peut-être un joueur un peu dangereux, là. Quand tu vois que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Moi, je pense qu'il faut y aller du côté réhabilitation. Faut y aller sur le fait que la longue suspension va peut-être y faire réaliser quelques affaires. Problème, c'est qu'il va finir dans la Ligue américaine où c'est tout suspendu. Ouais. Ben, Lou Lamoriello l'a contacté justement pour savoir à quoi s'en tenir avec lui si jamais cela se produit. Là. Choix de deuxième ronde des Devils du New Jersey. Toi, en tout cas, il me semble que suspendu de même, il devrait pas pouvoir aller jouer dans la Ligue américaine pour le reste de l'année. Là. Puis, je sais pas si vous avez vu, là, peut-être une semaine, les gars de la Ligue nationale, Sergei Gonchar, il a environ asséné le même coup, sauf que c'était sur le bord de la bande, mais tu sais, un coup de coude dans le visage de Clutterbuck du Wild du Minnesota. Le gars avec le nom le plus hot que j'ai vu de ma vie. Exactement. Carl Clutterbuck. Donc, exactement, il a sauté dans son visage avec le coude très haut. Clutterbuck n'a pas été blessé, une chance. Sauf quel coup dangereux. Puis, regarde, Gunshark, son statut de vedette, qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais même pas s'il y a eu... Non, je pense pas qu'il était suspendu. Il doit même pas avoir eu un majeur sur le coup, là. Donc, puis Clutterbuck l'a carrément dit en entrevue, là. Il a dit, regardez, moi, j'aurais fait ça, puis je jouerais pas avant 10 games encore, là. Mm. Donc, je trouve ça tellement plate, l'arbitrage au hockey. Ça en revient encore à ça. Harvey le geste, c'est Tam qui fait ça à Cormier. Je veux bien croire que ça arrive sur le fait. Sur son 4 officiel, sa glace, il n'y en a pas un qui l'a vu, en tout cas. De quoi, c'est Cormier? Non, Cormier. Ah, Gunshot, OK. Moi, je te parle de Gunshot, tu sais, je veux okay. dire. Non, mais les remparts ont fait une plainte, j'imagine. C'est pas encore. Non, ça a l'air, c'était une fausse rumeur. Ça, c'est pas vrai que les remparts ont déposé une plainte à la police, mais la police s'est présentée sur le fait. Peut-être à faire. Patrick Roy a dit qu'il attendait vraiment. La famille, en tout cas, avait l'intention peut-être la famille, mais en tout cas, peut-être que je me trompe totalement au niveau de la loi, mais ça donne, tant qu'à moi, ça donne rien de déposer une plainte. Je pense que la police est déjà au courant de pas mal. Si on regarde du côté des remparts, ça leur est arrivé à quelques reprises d'avoir des plaintes. À la police, donc pourquoi, à un moment donné... Sauf que ça, c'est quand la police n'est pas au courant, mais là, il y a déjà un début d'enquête là, en tant que tel. Ouais. Fait que, mais bon, si c'est la chose à faire, que ça soit fait. J'haïs, par contre, quand la police se mêle les affaires des ligues de hockey. Je suis bien d'accord. Ça, j'haïs ça. J'aimerais bien savoir et tout ce que Mme Courchain en pense. Là. Ouais, pas contente. Pas contente. Je pense que j'ai vu ça dans le Journal de Montréal ce matin. Elle trouvait ça dégueulasse, tout, puis son garçon, il n'a jamais fait ça, lui. Puis c'est ça, puis tu sais, on s'entend que c'est pas mal pire ça que Jonathan Roy. Ben oui. C'est plus violent, Roy. Roy, c'est parce qu'il avait l'air gorlot, mais on s'entend-tu qu'on en parlerait mille fois plus si c'était Frédéric Roy qui aurait ramassé un gars l'an passé, là? Ben, c'est pas vrai. L'an passé, Frédéric Roy a ramassé un gars. Il a ramassé un joueur du Junior de Montréal, il manque le nom, il avait pété des dents, bon, puis quelques points de suture, mais... Imagine, ça serait un gars à Patrick Roy qui fait ça. Ou sa fille, là, ça joue au hockey. Mais imagine ça, là. Imagine à quel point ça serait partout. Là, ouais, je te dirais que pourquoi on en parle moins, là, c'est à cause d'Haïti. Sinon, ça serait la première nouvelle sur tous les journaux, là, présentement. Ben. Parce que encore une fois, la Légion majeure du Québec fait parler d'elle pour les mauvaises raisons. Pas nouveau. C'est plate parce que pourtant, la Ligue du hockey junior majeur du Québec, dans les deux dernières années, là, a jamais été aussi pacifique que ça. C'est ça le problème. Ça en est plate, là, des fois. Là. C'est des coups comme ça qui font que, à un moment donné, la Ligue a l'air de ça, mais en tout cas. Tant qu'à moi, c'est le temps pour Raymond Cloutier puis. Raymond Bolduc. Raymond Bolduc, j'ai le couteau de mettre leur culotte. Personnellement, saison, série, c'est fait. C'est ce qui conclut l'inconduit de partie. Je te remercie, JP. Merci, boy. On va aller au calendrier. Les Patriots sont en action. On l'a dit demain soir contre McGill. C'est à 19h15. C'était au Colisée de Trois-Rivières et non pas à l'Arena Claude-Mongrain. Colisée de Trois-Rivières, trompez-vous pas, dans le Big House. On accueille ensuite Carlton, justement. C'est une grosse semaine pour les Patriots. Vendredi, c'est à 19h15. Cette fois-ci, on retourne dans la shed, l'Arena Claude-Mongrain. Second intérieur, les filles et les garçons, le 24, ça veut dire dimanche, sont en action. Au CNDF, c'est du Collège Notre-Dame De Foix à Québec contre Laval, le Rouge et Or qui, je pense, ont une bonne équipe, en tout cas féminine, me semble, en tout cas. Normalement, au soccer, là, Laval est tout le monde très, très fort. Très, très fort. Wow. Donc, c'est ça pour les Patriotes pour la prochaine semaine. Hockey Junior, Pierre-Luc. Oui, du côté des Cataractes, on a une grosse semaine à venir. Donc, tout d'abord, ce soir, ils sont du côté de Halifax. Ils sont à l'Île-du-Prince-Édouard demain soir. Et jeudi, ils sont à Bathurst. Donc, trois matchs en trois soirs pour nos Cataractes. Et ils termineront leur séjour à l'étranger dimanche contre l'Océanique de Rimouski. Du côté des Tigres, seulement un match cette semaine. Ils recevront les puissants Wildcats de Moncton. Ça va être un match à surveiller. Deux des puissances de la Ligue en ce moment. Moi, personnellement, c'est les deux équipes que je vois en finale. Donc, vendredi soir et samedi, ce sera au tour des Voltigeurs de recevoir les Wildcats de Moncton au Centre Marcel Dionne. Et finalement, les Dragons du Collège de la Flèche sont en action contre le cégep André Laurando. C'est l'Arena Dollar-Saint-Laurent, dans le fond, dans la place d'André Laurando. C'est ce dimanche, le 24 à 13h30. Pour Pierre-Luc Giroux, JP Grenier, je suis Nicolas Duchamp. Merci d'avoir été à l'écoute. On se laisse en musique. avec le Ben qui était en spectacle au carnaval l'an dernier. Vulgaire machin anéanti. Bonne le semaine tout le monde. Bon bonne carnaval. Semaine. Bon carnaval tout le monde. Amusez-vous. Je vois plus qu'une doctrine seule.